Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Tigre allemand, le char emblématique de la Seconde Guerre mondiale. Le Tigre est le char allemand le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Quand il apparaît, il terrorise littéralement les soldats alliés. Et on le comprend. Son blindage très épais le rend quasiment invulnérable aux tirs ennemis. Et son canon de 88 mm, en fait un tueur de char très efficace, même à longue distance. En Normandie, les Alliés devront parfois sacrifier 5 tanks Sherman pour détruire un seul Tigre. Cet extrait de reportage de Nicolas Châteauneuf, diffusé au journal télévisé de France 2 en juin 2019, nous permet de comprendre assez facilement ce qui a fait la réputation du Tigre et ce qui explique qu'il soit devenu le char légendaire qu'il a été durant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que le Tigre est un peu à la Seconde Guerre mondiale, ce que le B-52, par exemple, a été à la guerre froide ou ce que l'hélicoptère Bell Huey a été à la guerre du Vietnam. En ce matin du 13 juin 1944, au début de la bataille de Normandie, le SS Obersturmführer Wittmann et l'équipage de son char Tigre se tenaient prêts à entrer en action. Ils étaient sur le point de prendre part à l'un des plus célèbres affrontements de chars de l'histoire militaire. Wittmann avait laissé sa compagnie pour reconnaître le terrain. Il y repéra tout un bataillon de blindés britanniques qui faisait une halte sur une route des alentours. Nullement impressionné, Wittmann dirigea son blindé droit sur la colonne, tirant en roulant. Le Tigre avait l'avantage de la surprise. Il détruisit rapidement 12 Alftrak, 3 chars légers et 6 chars de combat. Ce fut l'un des exemples frappants de la maîtrise de l'engin et de ses possibilités démontrées en 1944 par le lieutenant Wittmann à bord de son Tigre. Vous avez ici l'exemple type d'un chef de char accompli, avec en plus la capacité instantanée de cerner la situation tactique. Je pense que le fait qu'il fût capable avec un seul char de détruire toute une colonne blindée britannique est probablement un record dans l'histoire du combat de chars. C'est le professeur en études militaires de l'Université d'Édimbourg, John Erickson, que vous venez d'entendre dans cet extrait de la série Tank pour nous raconter l'histoire du célèbre Tigre allemand. Je reçois Stéphane Roussel, spécialiste en questions géopolitiques et militaires et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, qu'est-ce qui fait du Tigre, Stéphane Roussel, ce char emblématique qu'il est devenu? Oui, c'est un peu curieux de voir ça, qu'une arme comme ça devienne le symbole de son époque ou le symbole du conflit dans lequel elle a servi. C'est le cas, vous avez mentionné, de l'hélicoptère Bell Huey au cours de la guerre du Vietnam ou encore de l'avion rouge de Manfred von Richthofen au cours de la Première Guerre mondiale. Le Tigre est l'engin emblématique, probablement, avec le Jeep American, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux raisons derrière ça. La première, c'est qu'il est déjà dans les yeux de ses contemporains une arme qui est quasi légendaire. On l'entendait au début de l'émission. Il sème littéralement la terreur dans les rangs des Alliés. On a plusieurs cas de soldats qui refusent d'avancer ou refusent d'aller à l'attaque s'ils se doutent qu'il y a un char Tigre dans les environs. Pour les Allemands, c'est la même chose aussi. Il est considéré parmi les Wunderwaffen ou les armes miracles qui sont censées faire tourner la guerre au profit des Allemands, un peu comme les avions en réaction ou les missiles V1 et V2. Et la raison aussi pour laquelle il reste dans la culture populaire comme ça aujourd'hui, on le voit très souvent, même si la plupart des gens ignorent son nom. Il s'est même faufilé sur la page d'accueil d'aujourd'hui l'histoire, où on vous voit Jacques flanqué d'un Tigre. Ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui rappelle indiscutablement non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais il fait aussi probablement référence à un fantasme de la société industrielle, si vous voulez, un fantasme guerrier, qui est celui de la machine invincible qui est entre les mains d'un adversaire diabolique qui surpasse tous ses adversaires, qui écrase tout sur son passage, mais qui, à la fin, est vaincu. Voilà. C'est un peu ce qu'on retrouve dans certains romans de science-fiction, de Jules Verne jusqu'à l'Étoile de la mort dans Star Wars. Oui. Donc, le symbole de plein de choses, la terreur qu'il sème, et vous le dites à juste titre, puis bien sûr, au terme de la guerre, on sait bien qui va gagner, mais ça reste quand même ce symbole de puissance du génie allemand, la précision, de l'intelligence sur le plan de l'ingénierie des Allemands. Il ressemble... À quoi ressemble la bête? À quoi ressemble ce fameux tigre, Stéphane Roussel? Oui, ce qui le rend si redoutable, en fait, c'est qu'on va combiner deux choses. D'abord, une arme qui est très puissante, le canon de 88 mm, qui est capable de détruire, au moment où il apparaît sur les champs de bataille en 1942, il est capable de détruire tous ses adversaires. Et ce canon est protégé par une cuirasse extraordinaire aussi, qui atteint jusqu'à 140 mm sur la partie frontale, qui est invulnérable à tous les armes anti-chars qui sont en service à cette époque-là. Il faut vraiment être chanceux pour parvenir à détruire un tigre. Évidemment, il y a les défauts de ses qualités. On se doute bien qu'une bête comme celle-là est très lourde. Mm-hmm. Elle fait 57 tonnes, ce qui est le poids d'un char moderne. Mais à l'époque, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd que ce que les Alliés peuvent aligner. Ouais. Parlons un petit peu du contexte dans lequel est conçu ce fameux tigre. Au début de la guerre, en 1939, 1940, 1941, les Allemands doivent affronter des adversaires, que ce soit en France ou en Afrique du Nord, donc, qui ont un matériel qui est à peu près l'équivalent du leur. Et c'est surtout grâce à leur supériorité tactique qu'ils vont parvenir à emporter la victoire. Par contre, au moment de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, les Allemands font une très mauvaise surprise. Ils tombent sur les chars T-34 et la série des KV des Soviétiques qui sont nettement supérieurs à ce que tous les chars que les Allemands peuvent aligner. Donc, on va exhumer des plans qu'on avait préparé à la fin des années 30, et très rapidement, à l'espace d'un an, on va mettre au point cette machine-là, le Tigre, donc qui apparaît en novembre 1942 sur les champs de bataille. Il y a un grand frère aussi, en fait, en 1944, le Tigre 2 va être produit, qui est encore plus lourd et encore plus puissant que le Tigre original. Oui. Une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que cet engin-là, il est très rare, même s'il est passé, il y a ce côté mythique un peu, c'est très rare qu'on le voyait durant la bataille, parce que les Allemands, en tout et partout, vont produire 2000 exemplaires des Tigre 1 et Tigre 2, ce qui aujourd'hui pourrait paraître beaucoup, mais à l'époque, si vous comparez ça, par exemple, aux 44 000 Sherman des Américains ou aux 65 000 T-34 des Soviétiques, c'est somme toute très peu. Oui. Donc, cette rareté le rend sa popularité encore plus étonnante. Oui, il faut dire qu'il coûtait cher à produire. C'est un super tank, mais effectivement, on n'en produira pas énormément. Il va participer, ça fait partie de sa réputation. C'est un char emblématique, et ce qui fait qu'il est emblématique, c'est ses caractéristiques, mais c'est aussi qu'il va participer à quelques-unes des grandes batailles célèbres de la Seconde Guerre mondiale, et parmi celles-là, la bataille de Koursk. Lors de cette grande bataille, les Tigres furent utilisés dans le rôle pour lequel ils avaient été conçus, et presque toujours au maximum de leur potentiel. Ce qui allait devenir l'une des plus grandes batailles de chars de tous les temps, fut planifié par le haut commandement allemand pour briser l'attaque soviétique, repousser les Russes et leur reprendre le terrain. 56 chars Tigres furent engagés au total. 14 faisaient partie de la Grosse Deutschland, les autres étaient ceux du SS Panzerkorps. En tout, 2700 chars furent engagés par le haut commandement allemand. Les Tigres furent déployés sur le front en formation pour ouvrir une brèche dans les positions russes, suivis ou flanqués des Panzer 3 et 4. Ils passèrent à travers les défenses russes en rencontrant des centaines de chars ennemis qui essayèrent de s'approcher le plus près possible d'eux. Dans les espaces ouverts des steppes russes, encore une fois, les canons de 88 mm laissèrent les Russes exsangues. Alors, la bataille de Koursk, on vient de l'entendre, Stéphane Roussel, c'est une des grandes batailles, des batailles célèbres auxquelles va participer le Tigre, mais il y en aura d'autres aussi. Parlons un petit peu de ça. Au cours de quelle bataille va s'illustrer le Tigre? On associe beaucoup le Tigre à la bataille de Normandie, aussi à la bataille des Ardennes en décembre 1944. Et c'est pourtant pas là où il va illustrer, où il va s'illustrer le plus, où il va pouvoir déployer son potentiel, parce que c'est, vous imaginez, un char de cette taille-là et de ce poids-là, lorsqu'il est engagé dans des zones où il y a beaucoup parsemé d'obstacles, ou pire, dans la forêt des Ardennes, c'est pas un char qui est très utile pour attaquer. Par contre, c'est littéralement un bunker mobile, c'est-à-dire que quand il est déployé en embuscade ou en position défensive, il peut être extrêmement dangereux pour ses adversaires. Et c'est comme ça que les Tigres vont être déployés en grande partie, c'est-à-dire que ça va être des bataillons indépendants qui vont être envoyés un peu comme des pompiers aux endroits où la situation est plutôt critique. Donc, ils vont agir plutôt dans des batailles beaucoup plus limitées. Oui. Bon, ces super chars que sont les Tigres, ils vont évidemment être confiés à des équipages très, très expérimentés. Et l'as des as du Tigre, je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est incontestablement, puis on l'a entendu au tout début de l'émission, on a fait référence à lui, l'Allemand Michael Wittmann. Je roulais sur la même route, vers l'arrière de la colonne, détruisant tout sur mon passage. C'était la confusion totale dans leur rang. J'ai pu neutraliser leurs chars et leurs transports de troupes blindées. Je me suis ensuite dirigé tout droit vers Villers-Bocage. Le village est déjà occupé par les blindés britanniques. Wittmann livre toujours le combat à lui seul. Il détruit un total de 21 chars d'assaut alliés. Je me suis alors dirigé au centre du village. J'ai reçu un obus d'un canon anti-char. Je ne pouvais plus avancer. Je me suis mis à tirer et détruire tout ce que je pouvais atteindre. J'ai finalement abandonné mon char. Le saccage meurtrier de Wittmann ne dure que 15 minutes, mais réussit à anéantir un régiment ennemi entier. À lui seul, Wittmann venait de retarder de 2 mois la prise de Caen par les Alliés. Cet exploit contribuait aussi à sa renommée en tant que commandant de Panzer. Les actualités allemandes couvrent l'échec des Alliés à Villers-Bocage. In den engen Straßen wurde eine stärkere amerikanische Panzereinheit gestellt und zusammengeschossen. Wittmann devient l'officier de blindés le plus célèbre de l'Allemagne. Extrait de la série documentaire « Tank, les grands combats », un extrait dans lequel vous entendiez un passage du récit qu'a fait Wittmann de la bataille de Villers-Bocage dans son journal de guerre. On peut pas faire une émission sur le Tigre allemand, Stéphane Roussel, sans parler de Michael Wittmann. Plus qu'un brillant chef de char, c'est Wittmann, on vient de l'entendre, carrément devenu une star, un héros du Troisième Reich. Oui, effectivement, c'est un commandant de char extrêmement dangereux. On lui attribue la destruction, enfin, lui et son équipage, la destruction de, je crois, 138 blindés ennemis, autant de canons anti-char. Et le pire, c'est que ce n'est pas celui qui a le score le plus élevé, mais c'est celui qui va être le plus connu, en grande partie parce qu'on va l'utiliser comme une figure de proue dans la propagande allemande, surtout après la bataille de Villers-Bocage. Il faut dire que Wittmann aussi est un fervent nazi. Il sert dans la SS, donc oui. c'est quelqu'un aussi qui est très aimé du régime. Et surtout après ce combat-là en Normandie, donc où il a un impact réel sur les opérations dans la mesure où son action va complètement arrêté l'avance des Britanniques qui tentent de prendre la ville de Caen. Donc, c'est assez spectaculaire comme résultat. Ouais. Puis revenons sur cet extrait qu'on vient d'entendre, sur cette fameuse bataille de Villers-Bocage. Quel rôle va y jouer Wittmann et qu'est-ce qui se passe de fait exactement ce fameux 13 juin 1944? Oui, c'est une semaine après le débarquement, les Britanniques et les Canadiens se sont déjà heurtés à une défense très dure des Allemands devant la ville de Caen, à peu près une vingtaine de kilomètres des plages, et on tente de contourner les défenses allemandes. On confie ça à la 7e division blindée britannique. Et à peu près aucune défense allemande dans ce secteur-là. Whitman est seul avec sa compagnie de chars. Et c'est là où il va les surprendre. C'est dans ce sens-là où, alors que les Britanniques avaient une chance absolument extraordinaire de percer les défenses allemandes, Whitman va les arrêter complètement. Et la bataille de Normandie va s'étirer sur 2 mois. En fait, ce n'est que 5 semaines plus tard que la ville de Caen va tomber et 2 mois plus tard que le front allemand va craquer en Normandie. C'est une occasion ratée par les Britanniques. C'est incroyable quand même, hein, de l'action d'un char, d'un homme dans une bataille qui peut faire une telle différence. C'est vraiment, c'est assez spectaculaire. Encore qu'il faille rester prudent là-dessus parce que Whitman va être glorifié par la propagande nazie. On va beaucoup mettre l'accent sur l'exploit individuel. On va mettre aussi beaucoup l'accent sur le côté technologique. Mais il y a probablement d'autres facteurs qui ont joué dans ce cas-là, et notamment peut-être le manque d'agressivité des Britanniques. Oui. Il meurt au combat le 8 août 1944, Whitman. Dans quelles circonstances perd-il la vie, Stéphane Roussel? Le tech de Whitman a été détruit effectivement le 8 août 1944. Et c'est sûr qu'une personne comme celui-là, un personnage qui a déjà de son vivant un côté presque légendaire, c'est sûr qu'il y a toute une controverse qui entoure les circonstances exactes de sa mort. C'est un débat typique d'historien. Et à savoir qui a mis fin à la carrière de Whitman. Parmi tous ceux qui peuvent revendiquer, et probablement avec d'excellents arguments, ce sont les chars canadiens du Sherbrooke Fusilier qui étaient déployés dans ce secteur-là. Peut-être ce qui est plus parlant, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se produire par la suite. C'est-à-dire que les restes de l'équipage de ce char-là vont être enterrés là où la bataille a eu lieu. Et ce n'est qu'en 1983 qu'on va exhumer les corps et qu'on va les enterrer au cimetière allemand de Lacambe. Donc, il y a 23 000 corps de soldats allemands tués au cours de la bataille de Normandie. Et si on va dans le cimetière de Lacambe, on peut facilement trouver la tombe de Whitman parce qu'elle est, et c'est étonnant de voir ça, elle est fleurie, elle est décorée régulièrement par des admirateurs. Ah bon? Quand on sait que Whitman est un SS et que c'est un fervent nazi, c'est un peu troublant de voir cette dévotion-là qu'on lui porte encore aujourd'hui. Ouais. Et même, sa pierre tombale a été volée à au moins 2 reprises. Incroyable. Alors, si Whitman est devenu le héros qu'on sait, puis vous nous le disiez, là, l'admiration qu'il suscite fait qu'on va encore fleurir sa tombe, revenons au tigre comme tel, qui est aussi une sorte de héros et qui va s'imposer dans la culture populaire, beaucoup au cinéma, de fait. Quelle place Stéphane Roussel va occuper le célèbre tigre au grand écran? C'est une des raisons pour lesquelles on peut dire qu'il est passé dans la culture populaire, parce que on a l'impression que dès qu'il y a un film de guerre où on veut mettre en scène des chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours des tigres, même s'il est, somme toute, relativement rare. Vous le retrouvez dans un film comme The Battle of the Bulge en 1968, Kelly's Heroes en 1970, la dernière scène, les dernières scènes du film Il faut sauver le soldat Ryan, où on voit 2 tigres, et jusqu'au film Fury, qui a été tourné en 2014, où on va sortir d'un musée un véritable tigre pour les besoins de l'émission. Et à chaque fois dans les films, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit ce mythe de la machine invincible, le fantasme de la machine invincible, c'est que le tigre doit toujours être détruit par des moyens extraordinaires. Ce n'est pas possible qu'il subisse le sort d'un autre char d'assaut, soit que c'est une panne sèche, soit que c'est un avion qui parvient à le détruire, soit que c'est le courage et la ruse du héros, comme dans le film Fury, qui parvient à le neutraliser. Il y a donc encore ce fantasme-là qui est repris dans le cinéma. Donc, c'est le faire valoir, au fond, parce que char invincible, parce que char suscitant la terreur. Quand on réussit, c'est ça que vous nous décrivez, là, l'image qu'on en fait au cinéma, la présentation. Quand on réussit à vaincre cet ennemi redoutable, c'est cette Allemagne nazie qu'on vainc du même coup. C'est un peu ça, la métaphore. Exactement, tout à fait. C'est cet ennemi diabolique et apparemment invincible qu'on parvient finalement à neutraliser. Tout à fait. Il y a une dimension métaphorique et presque mythique derrière ça. Oui. On va boucler la boucle, Stéphane Roussel. On parlait au tout début de l'émission du caractère emblématique, puis on y a encore du tigre dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans les faits, parce qu'il y en a eu très peu, vous nous le disiez, c'était un super char, mais il était très lourd, ce qui pouvait lui nuire. Dans les faits, quel genre de différence sur le plan tactique, sur le plan militaire, a vraiment fait le tigre dans l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale? Finalement, quand on fait le bilan, la conclusion à laquelle on doit arriver, c'est que ça a eu, somme toute, très peu d'effet. Malgré le rôle que voulu lui donner la propagande nazie, ça n'a pas changé le cours de la guerre d'aucune manière, même s'il était très puissant. Pas plus que les missiles V1 et V2, pas plus que les avions en réaction, il va changer la fin inévitable de la Deuxième Guerre mondiale. Certes, il est très bon au plan tactique, mais il ne peut que contrôler qu'une petite portion du champ de bataille, mais sans pas changer les choses à l'échelle du front. Les tigres n'étaient pas assez nombreux pour obtenir des résultats qu'on qualifierait de stratégiques. Pour qu'il puisse faire une différence, il aurait fallu probablement en avoir beaucoup plus, mais l'industrie allemande était absolument incapable d'en fournir plus, et certainement que l'armée allemande n'était pas capable, pour des raisons logistiques, d'en aligner plus sur le champ de bataille. Et c'est ce que ça montre, finalement, c'est le caractère industriel de la Deuxième Guerre mondiale, où la victoire va du côté à ceux qui ont le plus d'usines et plus de ressources humaines, et qu'en bout de ligne, c'est la quantité qui l'emporte sur la qualité. L'Allemagne ne pouvait pas rivaliser avec l'Union soviétique ou avec les États-Unis sur ce plan-là, en termes de quantité et de capacité de production. Et le Tigre est exemplaire de ça aussi, c'est-à-dire on privilégie une arme qu'on construit en très peu en très petite quantité. Mais en bout de ligne, l'armée allemande va être submergée complètement par le flot des troupes alliées. Et malgré la terreur qu'elle imposait ou qui se répandait dans les troupes alliées, les Allemands eux-mêmes aussi avaient conscience de ces limites-là, à tel point qu'il y avait une blague d'humour noir qui circulait parmi les équipages de chars allemands qui disait « Oui, un tigre est capable de détruire jusqu'à 10 chars ennemis, mais le problème, c'est que l'ennemi arrive toujours par groupe de 11 ou plus. Finalement, ils sont submergés. Ça dit tout. Stéphane Roussel, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, spécialiste des questions militaires et de géopolitique. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.